franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'autre vie de François Mitterrand, celle que les Français découvrirent un jour d'automne 1994 à la une de Paris Match, un secret qui porte le joli nom de Mazarine. Il fut un temps où les amours d'un président restaient dans la sphère du privé, où ses passions et les aléas de sa vie familiale n'intéressaient ni les rédacteurs en chef, ni les éditorialistes. Disons qu'il y avait officiellement de la discrétion et du respect, sous couvert de déontologie, mais aussi une énorme hypocrisie, car quelques initiés savaient pour Mazarine. Or, tous se sont tus. L'histoire de Mazarine Pinjot est de ce point de vue emblématique, c'est même un cas d'école. C'est une histoire qui nous montre que nous sommes passés d'un excès à l'autre, de la rétention d'informations liées à une pratique monarchique de notre République, jusqu'à des réflexes qui, eux, tiennent aujourd'hui de la dictature, de la transparence. Désormais, la planète médiatique et twittosphérique délibère, note, critique les tribulations amoureuses de nos dirigeants, de leur rupture jusqu'à leur nouvelle rencontre, tout y passe. Avec parfois la complicité de ces mêmes dirigeants. On se souvient de l'impudeur de Nicolas Sarkozy lorsqu'en janvier 2008, il répondit lors d'une conférence de presse restée célèbre « Avec Carla, c'est du sérieux ». Il n'en fallait pas plus pour que les Français ne le prennent plus jamais au sérieux et lui montrent la porte de sortie en mai 2012, entre autres raisons. Le temps de cette émission, qui comme d'habitude explore le passé récent pour en traquer les résonances, nous retournerons donc sur le chemin de l'un des secrets du président Mitterrand. Nous suivrons ses pas dans ses deux foyers, celui de la rue de Bièvre où les caméras s'invitent et celui de la rue Jacob où elles sont interdites. Une vie organisée comme une valise à double fond, un secret d'État que le président accepte finalement de laisser fuiter au soir de sa vie, ce qui évidemment ne doit rien au hasard. Tout au long du récit, vous entendrez les mots de l'un des personnages centraux de cette affaire, Mazarine Pinjot bien sûr, auteur en 2005 d'un livre intitulé « Bouche cousue » dans lequel elle revient précisément sur ces années où elle n'était qu'un secret. En seconde partie, nous recevrons Laurent Geoffrin, directeur de Libération, notre partenaire. Laurent est directeur de journal, ça tombe bien car l'histoire de Mazarine est aussi, ça ne vous a pas échappé, une histoire de presse. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, lecture Maëva Pasquali, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 21 septembre 1994, Paris 7e, Esplanade des Invalides. Depuis la fin de la matinée, deux hommes scrutent discrètement le restaurant Le Divelec. Appareil photo et objectif caché, ils attendent la sortie de la proie du jour. L'un s'appelle Pierre Su et l'autre Sébastien Velliella. Ils travaillent pour l'agence Sphinx. Vers 14h, ils observent le comportement des gardes du corps autour du restaurant. Ah, une voiture s'avance, c'est le moment. Pierre sort l'appareil à l'objectif de 500 mm. Il s'allonge sur le trottoir, la tête sur le goudron. Sébastien, lui, fait écran debout, les mains dans les poches. De l'autre côté du trottoir, on voit quelques convives discuter à la sortie d'un repas. Parmi eux, le président de la République, François Mitterrand, qui vit ses derniers mois à la tête du pays. Lors de cette parenthèse privée, il pose délicatement sa main sur l'épaule d'une jeune fille au teint blanc et à la chevelure brune. Entre eux se tient une autre femme, un peu plus âgée. Elle baisse la tête. Sur ces clichés s'inscrit un secret bien gardé, celui de l'autre vie de François Mitterrand. Pas celle du ministre, député, sénateur, puis président de la République, non. Sa vie parallèle, celle du père d'une fille de presque 20 ans, fruit d'un amour contingent. Sur ces clichés se raconte l'histoire de François, Anne et Mazarine. Aussitôt après le départ des gardes du corps et des voitures officielles et officieuses, les deux paparazzi vont proposer leurs photos au journal Paris Match. Le directeur de l'hebdo achète les clichés et envoie un émissaire au palais pour évaluer la réaction du chef de l'État et de son entourage, qui rime forcément avec barrage, dès lors qu'une info sensible est susceptible de sortir. Or, selon les témoins, le chef de l'État aurait juste dit « Je suis au-dessus de tout cela ». Mais pour Mazarine, c'est une autre histoire. C'est une rupture dans sa vie qui désormais se coupe en deux. C'est un jeudi. Mon père m'appelle. Je ne vis plus chez mes parents. Prépare-toi. Dehors, le monde aura changé et les kiosques afficheront mon visage. Mon intégrité est prise d'assaut. Le statut de fille de François Mitterrand me montre du doigt, bien qu'il ne s'affiche pas sur ma carte d'identité. Je n'ai pas besoin de nom. Mon prénom et la ressemblance de mes traits me désignent. Fille illégitime d'un homme politique. Ma nouvelle carte de visite. Née hors mariage et cachée, honte de la République, affront à la morale. Le 3 novembre 1994, Paris Match publie la photo de cette main sur l'épaule et titre « Mitterrand et sa fille ». À l'intérieur du magazine, quelques photos de Mazarine avec son père, mais aussi avec Ali, son amoureux. Quelques pages plus loin, une interview de Philippe Alexandre, auteur du livre « Plaidoyer impossible pour un vieux président abandonné par les siens » qui révèle cette double vie. Le choc des photos d'un côté, le poids des mots de l'autre. Le livre aura peu de succès, à l'inverse de ce numéro historique de Paris Match qui lui se vend comme des petits pains. Pourtant, cette image à la une, ce geste tendre d'un président envers sa fille ne révèle rien, à part un visage, celui de Mazarine, à qui on fait porter, et à elle seule, le poids d'un secret de 20 ans. Ce que ne dit pas cette photo, ce sont les contours de cette vie parallèle, ses joies et ses peines, cette vie à côté de l'officiel. Tout commença 37 ans plus tôt. 1957, Osgore, département des Landes. La première fois que François rencontre Anne, elle a 14 ans, il en a 43. C'est son père, Pierre Pinjot, industriel de Clermont-Ferrand, qui l'invite chez lui après une partie de golf. Dans cette région de Pinède, François possède une maison avec Danielle, sa femme, qu'il a épousée au lendemain de la guerre, un jour d'octobre 1944. Ensemble, ils ont trois enfants. Pascal, qui meurt 2 mois après sa naissance, puis Jean-Christophe et Gilbert. Quand Anne le voit arriver chez elle, François n'est plus ministre, mais député de la Nièvre. À cette époque, Mitterrand, c'est le nom d'un ambitieux de la 4e République qui a connu les honneurs du pouvoir, mais qui devra pour un temps les oublier à la faveur du général de Gaulle, de retour sur le devant de la scène politique. Les familles Mitterrand et Pinjot s'entendent bien. Chaque été, ils se retrouvent sur les plages des Landes. En 1961, Anne décroche son bac et quitte le foyer familial. Elle débarque à Paris où elle s'installe dans un ancien couvent converti en foyer catholique pour jeunes filles. Sa mère demande alors à l'ami François de prendre soin d'elle. Ce qu'il fait, il la conseille, l'aide en cas de problème et l'invite de temps en temps à dîner. Un jour, François et Anne deviennent amants. Ils ne se quitteront plus. Les vies multiples de François Mitterrand ne commencent pas dans les bras de mademoiselle Anne. François aime séduire, conquérir, puis abandonner. Pour combler le vide du mari absent et volage, Danielle, sa femme, trouve aussi d'autres bras, dont ceux de Jean, un enseignant. François et Danielle sont deux êtres mariés aux amours séparés, qui l'un comme l'autre refusent de divorcer. Ça ne se fait pas, surtout pour quelqu'un qui ambitionne de devenir un jour président. Autre époque, autre mœurs. Alors, chacun tient son rôle, Anne celui de la discrète, Danielle celui de l'épouse. Le jour du premier tour de la présidentielle en 1965, c'est Danielle qu'on aperçoit auprès de François Mitterrand, le candidat unique de la gauche. Ce 5 décembre 1965, François Mitterrand enfile le costume du premier opposant au pouvoir gaulliste et devient une personnalité politique connue, reconnue, dont les caméras désormais suivent la vie. Dans l'émission Zoom, par exemple, où François et Danielle accueillent des journalistes autour de la table, puis discutent avec eux dans le salon sous le regard de Gilbert, le fils cadet. Tout est en ordre pour la photo officielle. Les questions abordent tous les sujets. La politique. En effet, on cherche toujours à convaincre. Et donc, pour convaincre, est-ce qu'il ne faut pas donner la meilleure image de soi-même? On essaie. Pourquoi je vous ai fait si mauvaise impression? J'essaie de vous séduire. Vous vous employez pour me donner une très bonne impression. Bon, alors, vous voyez bien, est-ce que ça a réussi? Vous savez que je n'ai obtenu que la minorité chez les femmes. Ce sont les femmes qui m'ont battu. Et pourtant, c'est rageant, ça. Pourtant, j'ai beaucoup d'amitié pour elles. Et la famille? La journaliste interroge même Madame Mitterrand. Et qu'est-ce qu'on ressent quand, pendant quelque temps, on pense qu'on est peut-être la femme d'un futur président? Oh, j'ai jamais voulu répondre à cette question et je ne vais toujours pas y répondre parce que Je n'y ai jamais pensé. Vous n'y avez jamais pensé un peu par superstition? Ah non, pas du tout. Non, j'y ai jamais pensé pour l'instant, pour le présent. Le temps présent, c'est la vie à double fond, celle de Daniel avec Jean et celle de François avec Anne. L'été, le secret se partage avec les amis et les convives. François passe le mois de juillet avec Anne en vacances à l'étranger ou chez des proches, confidents et porteurs eux aussi de ce secret. Au mois d'août, c'est à Osgore, puis à Latché que François retrouve Daniel et ses deux enfants. C'est en 1969 que Daniel emménage dans cette propriété située sur une clairière au milieu d'une forêt de pins, constituée d'une maison de bois et de sa petite bergerie à l'abri des regards. C'est François qui la découvre, 4 ans plus tôt, lors d'une promenade. De cette maison, il espérait faire son havre de paix avec Anne. Elle la visite, imagine des plans, se voit vivre là, proche de la maison de ses parents, avec son François, mais Daniel refuse. François et Anne trouveront une autre maison, ailleurs, dans le Luberon, à Gordes. Bon an, mal an, la formule fonctionne. En 1974, François Mitterrand est de nouveau candidat à la présidentielle. Comme lors de chaque élection, la famille officielle est sur le devant de la scène. À Latché, on accueille journalistes et reporters venus prendre le pouls de la campagne et photographier la famille du candidat. Avec l'essor de la télévision, la caméra s'invite désormais partout, à la table du candidat, chez lui pendant ses vacances ou avec ses amis. La représentation est quotidienne. Madame doit faire partie du cadre, alors on la voit parfois sur des plateaux de télévision. François, lui aussi, doit présenter ses proches. Il nous reste 2 minutes 30, j'aimerais me transformer en fonctionnaire d'état civil. Et vous demander des renseignements sur votre famille, tout banalement. Officier d'état civil, dites-moi, vous changez de rôle. Eh bien, voilà, je suis marié depuis 30 ans. Presque 30 ans. C'était en octobre 1944. C'est-à-dire, c'était encore la guerre. Et j'ai épousé une jeune fille que j'ai connue. Elle était infirmière dans un maquis. Elle avait la croix de guerre à 17 ans. On s'est mariés. Nous avons eu 3 enfants. Nous en avons 2 aujourd'hui. 2 garçons. Ils ont 27 et 25 ans. Nous vivons tous ensemble. Il n'y a pas de conflit de génération chez moi. Anne lui avait-elle déjà dit qu'elle était enceinte ou l'apprend-il après sa nouvelle défaite contre Giscard d'Estaing? Après 10 ans de vie commune où Anne n'était que la maîtresse de l'homme d'une autre, elle lui confie son envie d'avoir un enfant de lui. François Mitterrand a alors 57 ans. Il refuse, puis accepte pour ne pas la perdre. Et le 18 décembre 1974, François Mitterrand devient père une nouvelle fois. Quand il l'apprend, il est à Latché, loin de la clinique privée d'Avignon. C'est une amie sage-femme du couple qui met au monde cet enfant. Le lendemain, c'est encore elle qui déclare sa naissance à la mairie. Sur les papiers officiels, on a inscrit « Mazarine, Marie, de sexe féminin, fille de Anne Pinjot, conservateur de musée domicilié à Paris 6e ». Les premières années de Mazarine se déroulent sans heurts. Daniel apprend sa naissance tout de suite. Mieux vaut anticiper, car dans ce genre d'histoire, il y a toujours des personnes plus ou moins bien intentionnées qui viennent jouer le rôle de souffleur. Daniel accepte, ne dit rien et profite des instants que lui accorde François. Il vit désormais la plupart du temps chez Anne, rue Jacob. Son autre chez lui, l'officiel rue de Bièvre, se trouve à 10 minutes à pied. Là, dans cette ancienne maison du XVIe siècle, vit la famille officielle. Daniel a sa chambre au 1er étage, comme Jean, son compagnon. François lui occupe une chambre au 2nd étage et un bureau au 1er où il reçoit ses collaborateurs et les journalistes. De temps en temps, ensemble, ils posent devant les caméras. Alors, Daniel joue les maîtresses de maison, comme toujours. Voilà, le bureau de François, où il travaille, où il reçoit ses amis et ses collaborateurs et son équipe. Si j'ai une passion pour François Mitterrand, je ne sais pas si ça s'appelle une passion. C'est trop important pour moi pour juste vous dire, bêtement, oui, j'ai une passion pour lui. C'est tout un contexte. C'est votre vie. C'est ma vie, c'est ça. Daniel Mitterrand, c'est elle qu'on voit aux côtés de François Mitterrand, le 10 mai 1981, quand il apprend sa victoire à l'hôtel du Vieux-Morvan. Ce soir-là, parmi les millions de personnes qui célèbrent la victoire, 2 vies rue Jacob chavirent dans l'inconnu, comme le raconte Mazarine dans son livre « Bouche cousue ». Ce souvenir douloureux, elle préfère le faire porter à son second prénom, Marie. Sur Antenne 2, on voit la rue, des gens par milliers qui pleurent, peut-être son oncle et sa tante. Et bientôt, on le voit lui. Alors sa maman pleure aussi. Elle pleure en silence. Mais ce ne sont pas les mêmes larmes. Cela, Marie le comprend. Pourquoi sa maman pleure tandis que les autres sont heureux? L'homme à la télévision a remporté une victoire. Il l'a appelée en fin d'après-midi pour la tenir au courant. Cet homme, sa maman l'aime. Et Marie aussi, s'il s'agit bien du même. Elles sont là, toutes les deux, devant un poste minuscule, ne font pas partie de la fête. La nuit va se refermer sur un avenir incertain. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Ce soir-là, dès son arrivée rue de Solferino, François Mitterrand demande à Laurence Soudé, une proche, ancienne amie d'été du couple secret, d'aller chercher Anne. Ce soir-là, devant les grilles du Parti Socialiste, le président serre quelques mains d'inconnus et celles d'Anne Pinjot. Au milieu de la foule, il lui dira quelques mots pour la rassurer. Ensuite, l'histoire officielle et officieuse diverge. François Mitterrand rentre rue de Bièvre, où l'attendent badauds et journalistes. Devant les caméras, il passe la porte de sa maison officielle. Oui, mais que fait-il après? Dort-il sur place ou va-t-il embrasser Mazarine? Allez savoir. Car ce 10 mai 1981, la vie de son enfant devient un secret d'État. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé et moi de mon côté j'étais souvent parti. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bon compagnon. Mon enfant, mon petit, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous. Que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom à vivre sous mon toit. Il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. À peine une semaine après l'élection de François Mitterrand, le secret de l'existence de sa fille s'imprime déjà sur un cliché. Sur cette photo volée, on voit le président marcher près d'un bois avec une femme brune qui se tient la tête basse. Lors de la prise de vue, les deux photographes ne remarquent rien. c'est en développant la pellicule qu'ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas de Daniel, mais d'une autre femme. La scène se déroule le 16 mai 1981. La veille, François Mitterrand s'est rendu à Nevers, en son fief, pour saluer ses électeurs. Ce jour-là, à côté de lui, on voit un homme qui le suit comme une ombre, un certain François de Grosouvre. Riche industriel, financier de toutes les campagnes du candidat depuis 1965, il est devenu confident puis intendant du secret. Il a connu le couple d'amants puis de parents et s'attache désormais à protéger le secret de Mazarine dont il est le parrain. Il met notamment à disposition du couple un petit pavillon qui se trouve à l'écart de sa vaste propriété de Trévesse. François et Anne s'y installent de temps en temps pour poursuivre leur vie clandestine. Au lendemain de la victoire, en 1981, c'est là qu'ils décident de se retrouver pour le premier week-end du candidat élu. Naïf et imprudent, François marche avec Anne dans les bois sans penser que tous ses gestes sont désormais épiés. Aujourd'hui, une telle photo se retrouverait sur tous les réseaux sociaux. Mais l'époque sauve le nouveau président. Le service photo de François alerte l'Élysée qui récupère les clichés. Tout de même, première alerte. Pour éviter le pire, c'est François de Grosouvre, devenu conseiller spécial du président, qui se charge d'administrer le secret. Il soumet au président l'idée de la création du GSPR, un groupement de sécurité de la présidence de la République, pour protéger le chef de l'État et ses proches, tous ses proches. Il charge alors Christian Proutot, créateur du GIGN, d'organiser ce nouveau service et de définir les protocoles de protection. Mais Anne refuse de changer sa vie selon les besoins de l'Élysée. Seule Mazarine est accompagnée par des gardes du corps. Elle les appelle ses anges gardiens. Durant les premiers mois élyséens, chaque soir, François les rejoint, elle et sa mère, rue Jacob, comme si de rien n'était. Mais cette vie ne dure qu'un temps. La vague des attentats à Paris oblige le couple à quitter le lieu. Il s'installe alors au 31 quai Branly, dans un appartement de fonction de la présidence, attribué jusqu'alors à Laurence Sordet. Vous vous souvenez, cette proche de François Mitterrand? Dans son livre « Bouche cousue », Mazarine se souvient de cette vie en ballottage, d'une rue à l'autre. Chez nous, c'est rue J. Nous avons vaillamment résisté. Mais les gardes du corps voient le danger arriver de la cave, des escaliers sombres, des cuisines du restaurant Les Assassins, qui donnent sur la cour. Alors une amie nous prête son appartement de fonction. Elle vit ailleurs avec son mari. Nous vivons d'aller-retour entre la rue J et le quai de l'Alma. De petites culottes et de brosses à dents dans le sac de l'école, sur le panier de la bicyclette. Des nomades à vélo. Puis le panier devient trop petit pour imiter le camion de déménagement. Alors, nous nous installons à l'autre bout du monde, dans un quartier que les commerçants ne connaissent pas. Haussmann n'est pas mon ami. Je suis même prête à me fâcher avec la Seine. Premier étage, ni en haut, ni en bas, au milieu de nulle part. La cour est grande et pourtant, pas envie de jouer avec les autres enfants. Devoir encore leur dire qui je ne suis pas, où sont mes parents, leurs doutes, leur curiosité. Durant ce premier septennat, à plusieurs reprises, le vernis de la vie officieuse craque un peu sous la plume des journalistes et des écrivains. Il faut parfois lire entre les lignes, comme sous la plume de François Giroux, qui publie en 1983 le roman intitulé « Le bon plaisir » aux éditions Mazarine. Hasard ou nécessité? Toujours est-il que dans ce roman, la journaliste raconte la liaison d'un homme devenu président de la République avec une jeune femme. De cet amour, un enfant est né et risque d'être dévoilé. Parfois, la révélation est brute, sans artifice ni sous-entendu. En 1984, Jean Edernalier, écrivain fantasque et médiatique, décide d'attaquer le président François Mitterrand. Acculé par le fisc, meurtri de ne pas avoir une place à l'Élysée, il écrit un pamphlet contre lui. Le manuscrit a pour titre « L'honneur perdu de François Mitterrand ». En mars 1984, Edernalier annonce même sa future publication lors d'un entretien à France 3. Si vous ne m'avez pas vu pendant un mois, ce n'est pas parce que je vous abandonnais. Je m'apprêtais à revenir et en force avec ce portrait en pied et en cap du président de la République que je viens d'achever et qui paraîtra dans un mois. En effet, je dis des choses qui ne se disent pas habituellement, car je veux la transparence. La démocratie, c'est la transparence. Un monde totalitaire, c'est un monde où on n'informe pas. C'est une sorte d'immense jour de France Avec tout le monde, il est beau, il est gentil, des carolino-monacris, des mariages officiels. C'est un monde où il ne se passe jamais rien. Les hommes politiques sont là avec leur famille, le rictus de la famille unie, ou alors ils se font photographier auprès des femmes qui accouchent et revendiquent et proposent la renatalisation quand ils abandonnent eux-mêmes leurs propres enfants, ou bien multiplient devant les églises les signes de piété quand ils ne croient en rien d'autre qu'en eux-mêmes et en leurs fonctions officielles. Suivez son regard. Famille officielle, enfant qu'on abandonne, Ederne a écrit un brûlot à la hauteur de son désespoir et de sa paranoïa. Dans ce manuscrit, on suit le parcours de François Mitterrand, de Vichy à l'Élysée, et aussi les aléas de sa vie privée, dont l'existence de Mazarine. Mêlant fiction et réalité, l'écrivain mégalo révèle la double vie du président. Face à cette menace, François Mitterrand lance la machine officieuse de l'État pour y mettre fin. Par l'intimidation d'abord, puis par surveillance automatique de tous les faits et gestes de la cible. Toutes les conversations téléphoniques d'Ederne sont écoutées, retranscrites, puis transmises au président, selon importance. La cellule antiterroriste de l'Élysée enregistre alors des dizaines de personnes en contact avec l'écrivain. On y trouve des éditeurs, des journalistes, acteurs et comédiens, puis, de fil en aiguille, de nombreuses personnes sont mises sous écoute. Plusieurs refus d'éditeurs, un téméraire accepte enfin de publier l'ouvrage. Mais le jour de la livraison, les livres sont récupérés par les hommes du président qui les détruisent. Alors l'écrivain lâche prise et, déguisé en moine, il brûle son manuscrit devant les grilles de l'Élysée. Le secret est sain et sauf, mais l'honneur du président, lui, s'est perdu dans le gouffre des écoutes. Cette année-là, en 1984, François Mitterrand reconnaît officiellement Mazarine. C'est Robert Badinter, ami et garde des Sceaux, qui s'occupe de l'affaire. Et le 25 janvier, tout est prêt. En fin d'après-midi, François Mitterrand le rejoint rue Guynemer. Le notaire, maître Alain Medioni, lui présente le document où l'on peut lire « François Mitterrand, né le 26 octobre 1916 à Jarnac, est domicilié à Paris, époux de Madame Gousse Daniel, déclare reconnaître pour enfant naturel Mazarine Pinjot, né le 18 octobre 1974 à Avignon ». Désormais, par l'écrit, François et Mazarine sont liés et on sait à quel point cet homme-là porte haut les mots et les lettres. Alors, le septennat, la vie officielle et officieuse suivent leur cours. Anne travaille au Louvre, Mazarine est au collège, François les rejoint le soir. De temps en temps, il les invite à l'Élysée. L'une arrive à vélo, l'autre avec ses anges gardiens. Dans ce palais, le secret est la langue officielle. Mazarine salue les cuisiniers, les jardiniers. Il la voit souvent jouer avec Baltic, le chien de Mitterrand, dans le jardin. Quand elle quitte le palais, elle se casse sous le siège de la voiture. Le week-end, c'est à Souzy, en région parisienne, dans une dépendance de l'Élysée, que la seconde famille du président se retrouve. Mazarine y fait du cheval pendant que son père l'admire, assis sur un banc. Le dimanche, il rentre à Troyes. Le chauffeur dépose alors Anne et Mazarine qu'ébranlée, puis amène François rue de Bièvre, où il dîne chaque dimanche avec Daniel et ses enfants. Sept années passent sans casse, et François Mitterrand décide de briguer un second mandat. Nous sommes en 1988. Mazarine participe cette fois à la campagne à sa façon. Elle colle des autocollants, assiste à quelques meetings, arbore un t-shirt « Génération Mitterrand ». Le soir de sa victoire, elle se trouve dans la foule des inconnus devant la maison d'Amérique latine. Alors, elle pense à sa mère. Maman doit être à la maison, toute seule. Je n'ai pas envie de rentrer, pas encore. Je descends dans la rue et tout de suite, je me sens mieux. Mes cousins, oncles et tantes m'accompagnent, anonymes parmi la foule de gauche. J'ai retrouvé ma place. Elle poursuit. La victoire signifiait pour moi des blessures ouvertes, des articles assassins, les colibets et 7 ans de silence à reconduire. C'était la tristesse de mon père, certains soirs en rentrant du travail, ses absences, sa double vie. De nouveau, le président se partage entre la vie officielle et la vie clandestine qu'ébranlie. Mazarine poursuit ses études, entre en hypocagne. Elle demande à son père de ne plus être suivie. Ses gardes du corps deviennent alors plus discrets, témoins à distance des premiers baisers, des premiers chagrins de la jeune fille. À 17 ans, elle quitte l'appartement qu'ébranlie et réinvestit celui de la rue Jacob. Elle s'émancipe un peu du poids du secret, s'éloigne des appartements officiels. Son père, elle le voit de temps en temps à l'Élysée lors de repas ou pendant des voyages. À la fin du second septennat, le président l'invite souvent au spectacle. À chaque fois, il la présente comme Mazarine, une fille qui apprécie beaucoup ce que vous faites. Certains savent qui elle est, d'autres le subodorent. Le président dévoile peu à peu son secret sans jamais le briser. Mazarine, elle, vit avec ce voile que Paris Match déchire en publiant son visage le 3 novembre 1994. Elle va avoir 20 ans. Rupture. Sa vie secrète s'achève. Une autre commence. 6 mois avant son départ de l'Élysée, le président lui donne un nom, une filiation, une place dans son histoire. La dernière année de la vie du président est une succession d'adieux à ces lieux qui le firent, président, mari, père. Il quitte la rue de Bièvre et la rue Jacob et s'installe rue Frédéric Leplay, où Anne l'accompagne. À la fin de l'année 1995, il prend l'avion pour l'Égypte, direction l'hôtel Old Cataract d'Assouan, où il a pris ses habitudes. Les compagnons du secret, André Rousselet, son ancien directeur de cabinet, le docteur Tarot et quelques amis sont présents. Le réveillon se déroule à Latché avec Daniel, leurs enfants et les proches du premier cercle. Puis François Mitterrand rejoint Paris et ses appartements de la rue Frédéric Leplay. Le 8 janvier, Mazarine le voit pour la dernière fois. Je suis rentrée rue J avec ma bande, ma troupe, ma nouvelle famille. Dîner, film et encore film sur des matelas en désordre, les uns contre les autres jusqu'à épuisement de fou rire et de discussion. À 6 heures du matin, maman frappe à ma porte et m'éveille. Les autres continuent de dormir. Papa est mort cette nuit. Tu peux venir le voir avant qu'on ne l'annonce et que les visiteurs n'arrivent. Je pars seule dans la nuit. Paris est silencieux. Les lumières s'allument peu à peu. Je fais une dernière fois ce trajet. Bien sûr, avant d'entrer dans la chambre, il faut dire bonjour aux gardes qui m'embrassent, les yeux mouillés. Les miens sont secs. Je leur demande de me laisser seule avec lui. Quelques jours plus tard, les deux vies parallèles de François Mitterrand, désormais absent, se croisent, enfin. Nous sommes le 11 janvier 1996. La France enterre son président et 3 enfants pleurent un même père. En fin de matinée, pendant que les chefs d'État arrivent à Paris pour assister à la cérémonie officielle à Notre-Dame, Daniel et Anne embarquent ensemble dans l'avion présidentiel. Leurs enfants, Gilbert, Jean-Christophe et Mazarine, eux, sont dans l'avion militaire qui transporte le cercueil de leur père. Nous étions assis comme dans ces films de guerre où les parachutistes attendent leur heure. Pour la première fois, nous étions réunis tous les trois autour de celui qui était notre lien. Et dans cette heure hors du temps, dans un ciel clair et glacial, nous avons presque formé une fratrie bégayante et maladroite. Au sortir de l'avion, nous savions que nous allions retrouver nos mères respectives. Mais là, dans cet étrange lieu, nous étions obligés de reconnaître que nous venions d'un même homme. À la sortie de l'avion, Mazarine découvre Jarnac. Les caméras du monde entier sont là. Elle filme ses deux vies séparées, désormais unies autour d'un même disparu. À l'image, le réalisateur scrute chacune des réactions. Anne Pinjot reste fidèle à son image, discrète, cachée derrière un voile noir, marmoréenne. Les commentateurs prononcent à peine son nom de peur de se tromper de personne. Anne reste dans l'ombre comme au cours des 32 années d'amour qu'elle a partagées avec François. Lors de la procession dans la ville, c'est Daniel qui ouvre la marche, entouré de ses deux fils. Anne et Mazarine, elle, ferment le cercle. On retire le drapeau tricolore du cercueil. François Mitterrand est rendu au sien, comme on dit à l'église. En l'occurrence à Daniel, Gilbert et Jean-Christophe, à Anne. Et Mazarine, ses vies parallèles. À la lumière de cette histoire, le prince de l'ambiguïté, comme le qualifiaient certains de ses opposants, aura été plus que jamais à la hauteur de sa réputation. Girl. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Mazarine Pinjot avec notre invité Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Alors, lors de la publication de Paris Match, déjà parce que votre carrière vous a fait des allers-retours entre Nouvel Obs, Libé, voilà. Libé, Nouvel Obs. Je suis un yo-yo. Voilà, un yo-yo. Vous étiez où? Vous étiez au Nouvel Obs? J'étais au Nouvel Obs à l'époque. Oui, d'accord. Alors, vous étiez au Nouvel Obs. Imaginons que les photos qui ont été prises de Mazarine, on vous les ait apportées. En tant que directeur de journal, est-ce que vous les auriez publiées, cette photo dont on a beaucoup parlé dans le récit, où l'on voit François Mitterrand poser la main tendrement sur l'épaule de cette jeune fille révélée, dont l'existence était révélée aux Français? Je pense qu'on aurait réfléchi. A priori non, sauf à avoir l'autorisation. Pourquoi? Des intéressés. Parce que à cette époque-là, ça a changé depuis, ça a évolué, disons, depuis. À cette époque-là, on s'interdisait d'entrer dans des affaires de vie privée. Mais c'était le cas général dans la presse. Hein. Et c'était pas une volonté des directeurs de journaux, c'était la culture moyenne des rédactions. Quand il y a eu l'affaire Cécilia Sarkozy, par exemple, à Libération, à l'époque j'étais à Libération, j'ai eu du mal à le faire traiter, parce que le service politique de Libération, et puis beaucoup de gens dans le journal, considéraient que ça n'était pas de notre ressort que d'entrer de cette manière dans la vie privée des hommes politiques, et qu'on ne pouvait le faire que à la faveur soit d'un fait divers important, je crois qu'il y a un meurtre ou quelque chose comme ça, ou si, de toute évidence, mais de manière claire et indiscutable, ça avait une influence sur les décisions politiques et sur la vie politique. Or, dans le cas de Mazarine Pinjot, cette influence politique était douteuse. On voyait pas très bien. Ça devenait un fait symbolique. Ça devenait un fait pour les Français, puisqu'ils s'intéressaient à la vie de leur président. Mais elle n'avait pas d'influence directe sur la politique, et sa mère non plus, autant qu'on le sache. Sinon, dans les affaires artistiques de l'histoire du musée, etc. Mais je pense qu'on ne l'aurait pas publié. Sauf à avoir, évidemment, l'autorisation expresse du président. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Paris Match a eu exactement le même réflexe que celui que je viens de vous indiquer. Alors, donc, effectivement, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, les choses ont changé, largement changé. Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'a pas le choix? Parce que, avec les réseaux sociaux, notamment, tout se sait, tout se voit, tout se dit. Ou est-ce qu'il y a eu une vraie évolution sur le fond? Est-ce qu'on s'est dit à un moment en France, on va arrêter cette ambiguïté, vie privée, vie publique, quelquefois il faut publier? C'est une question difficile, parce que en tant qu'historien, quand on est historien, moi je suis historien amateur, mais quand vous retracez la vie d'un responsable, évidemment sa vie privée intéresse. Vous faites Louis XIV, vous faites Napoléon, il faut savoir qui était sa femme, sa maîtresse, sa vie privée, etc. C'est intéressant, donc et ça éclaire le personnage quand même, psychologiquement. Même si les compagnes ou les femmes n'ont pas forcément toujours une influence, mais quand même, ça éclaire le personnage sur le plan de la psychologie. Donc quand vous êtes journaliste, donc comme on dit un peu rapidement, historien de l'instant, vous avez la même tentation, vous essayez d'éclairer un personnage. Donc c'est intéressant de savoir si Mitterrand avait une double vie ou pas une double vie, et comment ça se passait. Mais il y avait une règle, il y a toujours une règle d'ailleurs, faut pas non plus penser que ça a totalement changé. Les journaux ont un peu de mal à rentrer dans la vie privée. Ils ont un peu de mal. Alors, vous me direz, il y a l'affaire Strauss-Kahn. Alors, ils l'ont fait en grand. Oui, mais c'était un fait divers, justement. Il y avait une procédure judiciaire. Donc, ça n'a pas ouvert les vannes. C'était vraiment spécifique. Alors, si, ça a quand même ouvert, parce qu'après, on en a parlé plus facilement. Ça veut dire que si vous, aujourd'hui, vous recevez les photos, on va dire, intimes d'un responsable ou d'une responsable politique, vous avez cette réflexion-là. C'est-à-dire que c'est pas... Ah, on l'aura de toute manière. Il y a la réflexion, il n'y a pas le réflexe. Je veux dire, le réflexe de publier pour faire un coup, il y a la réflexion. On est toujours tenté de publier, parce qu'on est là pour ça, c'est notre métier. On est des chasseurs. Quoi. Le chasseur va passer le gibier et il va pas se détourner. Donc, mais alors, est-ce qu'il faut tirer le coup de fusil ou pas? On se pose quand même la question, on se demande. Alors, il y a un cas très ambigu, c'est... et qui a été très difficile, où il y a eu une polémique, y compris moi j'étais prise à partie là-dedans, c'est l'affaire Strauss-Kahn. Puisqu'on savait avant que Strauss-Kahn avait des relations comme ça, nombreuses et, comment dire, sulfureuses, olé olé, avec un certain nombre de jeunes femmes. Fallait-il le dire ou pas? Et c'est la grande question. Moi, j'étais plutôt contre. Et la rédaction de Libération dans son ensemble était plutôt contre. Mais notre correspondant à Bruxelles, Jean Quatremer, pour ne pas le nommer, lui considérait que c'était une affaire déjà semi-publique, puisque Strauss-Kahn avait déjà été réprimandé au FMI. Mmh. Et que son comportement avait, alors pour le coup, une incidence politique. Et finalement, c'est sa position à lui qui l'a emporté. Je trouve qu'il avait finalement probablement raison et moi probablement tort sur ce plan-là. Simplement. Mais j'étais gêné, moi, non pas pour des raisons de solidarité politique, mais j'étais un peu gêné d'aller si loin. Alors, on va écouter ensemble, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le directeur de Paris Match à l'époque, hein, qui explique les raisons de sa une, cette fameuse une de novembre 1994, qui révèle l'existence de Mazarine aux Français. La décision a été évidemment un peu difficile à prendre, puisque c'est pas la première fois d'abord qu'on nous soumet des photos de Mazarine. On aurait pu en publier il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais à l'époque, d'abord, Mazarine était une enfant, elle était mineure. Et en effet, nous sommes rendus aux raisons de Philippe Alexandre que nous avons interviewé, que Catherine Pancol a rencontré, et qui nous a bien transmis ce sentiment qui est le sien, mais profondément, justement ancré en lui, que arrivé à la fin de son parcours, François Mitterrand a envie de mettre vraiment de l'ordre dans sa vie, dans son existence. Ça a commencé avec une jeunesse française, et puis Philippe Alexandre, qui lui s'intéresse plus à la vie romanesque dans sa globalité du président, a pensé que c'était le vieillissement justement qui le mettait François Mitterrand en condition de se montrer en tout cas très ouvertement, ostensiblement et fréquemment avec Mazarine. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, cette révélation de Mazarine est concomitante avec d'autres révélations, notamment sur la jeunesse de Mitterrand. C'est ce qu'on a appelé la fin crépusculaire du deuxième septennat, comme une espèce de volonté de solder les comptes de la part de François Mitterrand, qui, on le savait, hein, avait le souci de la place qu'il allait laisser dans l'histoire. Est-ce que, d'abord, vous confirmez ce sentiment, et est-ce que oui, Mazarine fait partie de cette démarche-là? Oui, certainement. Il y a aussi probablement vis-à-vis d'elle aussi. Bien sûr. Quelle inexistence. Qu'elle n'ait pas été cachée toute sa vie. Enfin, toute sa vie jusqu'à la mort de son père, en tout cas. Et donc, il a voulu, par affection, j'imagine, et par respect, par l'égard de sa fille, pour qu'il ne soit pas dit qu'il en avait honte, quoi, ou qu'il n'osait pas le dire, etc., qu'il officialise. Parce qu'évidemment, s'il avait dit aux gens de Paris Match « Je vous interdis de publier cette photo », à mon avis, il ne l'aurait pas publiée. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il a voulu aussi maîtriser probablement sa propre biographie. C'est-à-dire que toutes les zones d'ombre qu'il y avait, il y en a plusieurs, hein, dans sa vie, il voulait les éclairer lui-même, ouais, pour essayer qu'on en donne une interprétation qui ne lui soit pas trop défavorable. Et c'est tout le jeu qu'il a joué avec Péan, puisque Péan est venu le voir en disant « j'ai la photo avec le maréchal, je sais ça, ça, ça et ça ». Il a confirmé certaines choses, il s'est défendu, etc. Et ensuite, comme ça a été, ça s'est retourné contre lui à ce moment-là, parce que là, vraiment, une grande partie des gens... à cause de la photo, vous savez, cette photo, on voit Mitterrand avec le maréchal, qui reçoit la Francisque. La Francisque, oui. À un moment où il était déjà en partie dans la résistance, donc c'est plus compliqué, mais c'est tellement compliqué à expliquer à l'opinion que Mitterrand l'avait caché complètement, depuis toujours. Et donc, il a voulu faire en sorte qu'on interprète de manière un peu plus favorable que ça n'était tous ces épisodes-là. Alors, je reviens donc à Mazarine. Vous l'apprenez quand? Je vous pose la question tout à fait sincèrement parce que certains journalistes, que j'ai appelés les initiés dans le récit, savaient. Je vous pose la question sincèrement, Laurent Geoffrin. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui savaient? Non. C'est-à-dire que j'entendais des rumeurs, mais je n'avais jamais de preuves. Et je ne m'y étais pas vraiment intéressé, pour être franc. Ça me paraissait peu... C'est intéressant du point de vue du roman. Du point de vue politique, qu'est-ce que ça peut faire? Et alors, à chaque fois, moi, quand je dis ça à des gens comme ça, souvent les gens de droite, mais enfin même... Oui, mais ce qui posait problème, c'est que Mazarine était logé par la République. Et aux frais du contribuable. Aux frais du contribuable. Voilà, aussi. C'est un mauvais argument. Pourquoi? Parce que, il est tradition, il est même légal, je crois, que la République doit au président une protection. Et la République n'indique pas que cette protection est due uniquement à la famille officielle. Bien Elle sûr. Est due à la famille tout court. Or, Mitterrand, il avait deux familles, une officielle, une autre cachée. Mais il avait cette famille, donc il fallait assurer la protection. de cette famille, de cette deuxième famille, même si ça choque les gens qui sont attachés à l'institution du mariage de manière plus classique, ce que je comprends très bien. Mais quand même, l'État devait protéger Mazarine. Et pour protéger Mazarine, il fallait bien la loger quelque part. Hein. Donc ça, de toute façon, ça coûtait de l'argent aux contribuables. L'existence même de Mazarine et la nécessité qu'il y avait de la protéger, de toute manière, coûtait de l'argent aux contribuables. Mais c'était légitime, ça. Alors, Jean Edermanier savait. Alors on connaît ce qui s'est passé, effectivement, ça soulève aussi l'affaire des écoutes téléphoniques, décidément tout tombe en même temps. Vous aviez été au courant, vous, du livre des Dernaliers, qu'est-ce que vous en pensiez? Il a quand même après, il a brûlé, on l'a su après, mais est-ce que oui, mais je ne savais pas si c'était absolument vrai ou pas, je ne savais rien. Par contre, les écoutes, c'était un vrai scandale. Le problème, c'est un problème de mœurs, c'est-à-dire de mentalité collective. Est-ce qu'un homme politique pouvait se permettre, à l'époque où Mitterrand aspirait à devenir président, d'afficher une double vie? C'était difficile de répondre à cette question, parce que l'opinion était choquée par ça. Par exemple, c'était un argument qui avait été utilisé contre Chaban-Delmas, qui était à peu près contemporain de Mitterrand. Quand même. Mm-hmm. Et Chaban-Delmas avait été attaqué très violemment par d'autres gaullistes, sur sa vie privée, sur le fait qu'il avait divorcé, etc., et qu'il avait une nouvelle femme, machin, etc. Et à l'époque, l'opinion était prude. Et donc Mitterrand, qui était le leader du Parti Socialiste et le leader de la gauche, finalement, est-ce qu'il pouvait se permettre politiquement de prendre le risque d'être attaqué sur sa vie privée, ou est-ce qu'il ne valait pas mieux garder le secret? En se mettant à sa place, on peut se poser la question. Alors, quand les vannes sont ouvertes, pour le coup, tout le monde se met à parler. Le second personnage de cette histoire, c'est Daniel Mitterrand, la femme du président, donc l'officielle, celle qui est à ses côtés pour les manifestations officielles. On va écouter un extrait d'un entretien qu'elle a accordé à l'émission Bouillon de Culture, donc chez Pivot, lors de la sortie de ses mémoires, et elle parle de François et de François et elle. Alors, bon, il faut évoquer ça rapidement. Vous dites « la naissance de Mazarine n'a été ni une découverte ni un drame pour moi, je l'ai assumé ». Qu'est-ce que ça veut dire « assumer » dans ce sens? Parce que ça fait partie de notre art de vivre et de notre façon de vivre, à François et à moi. Oui, oui. Je dis plus loin, quand on s'aime profondément, on peut avoir des amours partagés. Mmh. Et il peut y avoir aussi des enfants nés de ces amours partagés. Mais ça ne devait pas être facile quand même pour vous de vivre avec un homme politique. Un homme politique, par essence, ça bouge beaucoup, ça voyage beaucoup, et dont vous saviez qu'il était séducteur. Ça ne devait pas être facile quand même. Il y a un moment, vous dites, à propos de ça, que vous en êtes amusé aigrement. Quelquefois, ça m'est arrivé rarement, mais quelquefois je prenais, vous savez, une petite revanche. Voilà, bon. J'aime bien l'expression « art de vivre ». L'art de vivre. En termes galants, ces choses-là sont dites. Absolument. Alors, vous n'étiez pas plus que moi dans l'intimité du foyer Mitterrand, évidemment, mais est-ce que Daniel Mitterrand avait un poids politique sur Monsieur Mitterrand? Notamment sur la question des droits de l'homme, ça on l'a su après, mais pendant les sept années. Oui, elle avait un poids, oui. Elle était sa conscience de gauche, si je puis dire. Mm. Notamment sur les questions internationales, sur les questions de droits de l'homme. Et alors Mitterrand, quand il recevait des journalistes, pas à moi, mais à d'autres, il disait « Ma femme est afghane maintenant, ma femme est afghane. Voilà. » Elle a pris fait cause pour les Moudjahidines. Elle a pris fait cause pour je ne sais plus quelle faction. Ou les Moudjahidines contre les Soviétiques peut-être. Mais c'était un ménage bourgeois finalement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, vous savez comment ça se passait, c'est que Daniel Mitterrand vivait avec un compagnon. Oui, on l'a raconté dans le récit, absolument. Rue de Bièvre. Mmh. Et Jean. Et elle savait que son mari, donc, avait une compagne et une fille. Et tout ça se passait assez bien, finalement. Pourvu que les apparences soient sauves, c'est ça ? Dans mon jeune temps, j'ai connu des ménages bourgeois qui étaient comme ça, qui fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que on ne divorçait pas. Est-ce que Anne Pinjot, alors je sais encore, hein, pas forcément dans le secret des dieux, si j'ose dire, mais est-ce que Anne Pinjot avait une influence politique sur François Mitterrand? De ce qu'on en sait, De ce qu'on en sait, pas beaucoup, je crois pas. Elle a servi de conseillère dans les affaires artistiques, pour le Louvre, pour la muséographie, ou bien la construction d'éventuels nouveaux bâtiments consacrés à des expositions, etc. Je pense que là, elle a joué un rôle. Pour le Grand Louvre, par exemple. Mais bon, est-ce que c'est un rôle politique? Pas vraiment. Après, je ne sais pas ce qui se disait dans l'intimité du couple. À mon avis, essayons de deviner ce qu'était Mitterrand, il devait trouver plutôt distrayant de ne pas parler politique de temps en temps. J'imagine. Plutôt oui. littérature, oui, plutôt les arbres, les voyages, etc. Enfin, bon, toutes choses qu'il aimait beaucoup. Et donc, de laisser de côté les affaires du PS, qui n'étaient pas toujours très, très rigolotes, quoi. Alors voilà qui nous emmène, Laurent Geoffrin va terminer avec ça, à un épisode beaucoup plus récent que vous avez vécu, vous, la fameuse conférence de presse de Nicolas Sarkozy en janvier 2008, où il annonce beaucoup de choses importantes, hein, notamment le fait que ce ne serait plus le CSA qui désignerait les patrons de l'audiovisuel, c'est ce jour-là, et puis tant d'autres choses, et puis cette phrase, avec Carla c'est du sérieux. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase, à la lumière de ce qu'on vient de dire sur Mitterrand? Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'époque d'aujourd'hui? Parce que, voilà, Nicolas Sarkozy s'inscrit dans l'époque d'aujourd'hui, très contemporaine. L'époque est un peu voyeuriste, on dit, voyeuriste. Elle est plus transparente, donc la curiosité publique est beaucoup plus cruelle qu'auparavant, et les hommes politiques sont obligés d'avoir une vie plus transparente. C'est un progrès, à beaucoup d'égards, mais encore une fois, on n'est pas non plus... dans la société dans la maison de verre, quand il faut que chacun garde quand même une part de secret, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, c'est même un droit reconnu dans le code civil, le droit à la vie privée. Mm-hmm. Donc, c'est un droit. Bon. Hein. Enfin, comment vous avez réagi quand vous avez entendu Sarkozy dire ça ? Non, c'est la formule qui. La formule. C'est la formule qui va pas. Ça, c'est sans dire plus sur Sarkozy que sur l'époque, je crois. C'est-à-dire que Sarkozy est un homme qui ne censure jamais ses propres propos. Et qui parle de manière familière. Mais on l'imagine mal, pardon Laurent, imaginez que Nicolas Sarkozy eût régné au début des années 80 ou 90, on imagine mal dire ça à cette époque-là. Ah, c'était impossible. C'est impossible. Donc ça tient à la fois à l'époque et à lui, c'est oui, vrai. Mais à lui, je parle du ton, la manière, oui. C'est du sérieux en montrant la bague, etc. C'est un peu ridicule, enfin c'est en même temps c'est sympathique, parce que c'est ce qu'on ferait des gens feraient ça dans la vie, mais on trouverait ça pas très élégant, probablement. Toute dernière chose, j'y pense là. Vous auriez publié, vous, les photos de François Hollande sortant d'un immeuble parisien avec son casque pendant son scooter? Franchement non. Parce que là, c'est vraiment une intrusion violente dans la vie privée avec une histoire dont les effets politiques sont pas du tout évidents. J'ignore quelle est l'influence de Julie Gayet, mais je doute qu'elle en ait énormément. Et donc là, on n'a pas de raison, nous, journaux, d'intervenir. J'ai bien compris votre thèse, Laurent Geoffrin. On parle de la vie privée si elle a une influence sur la vie publique, si elle n'est que privée. Alors, il y a une hypocrisie, je vais peut-être terminer là-dessus. Ouais. C'est qu'une fois que c'est sorti, c'est le mal est fait, en quelque sorte. Donc vous êtes et ça devient un fait politique. Oui, en plus, devient une sorte de fait politique, parce que c'est censé l'affaiblir, plus ou moins, j'en sais rien. Et comme c'est sur la place publique, de toute façon, vous n'êtes pas celui par qui le scandale arrive, si je puis dire. Donc vous êtes obligé de suivre. C'est un peu bébête, mais c'est comme ça. Bien, merci Laurent Geoffrin. On va se retrouver dans 15 jours, hein, comme d'habitude, avec vous, l'un des journalistes de votre rédaction. On verra. En avec tout cas, plaisir. On se voit tous les 15 jours. Merci Laurent, au revoir.